fête au village. J'ai 100 ans, j'en manquerai pas davantage. On boira jusqu'au matin avec Jean, Paul et tous mes copains. On oubliera nos faiblesses pour un soir la mort de nos princesses, parties il y a si longtemps qu'on en a oublié le temps. À 100 ans, j'ai la vie qui respire, ça s'entend dans ma voix. À 100 ans, j'ai le cœur qui s'enivre, ça s'entend sous mes doigts. Dernière soirée pour ne pas oublier ma vie, mes conneries, mes colères passées. Surtout ne pleurez pas, mes amis. La mort est un cadeau, merci. Même si depuis longtemps mes nuits sont blanches, si je l'ai toujours là, blotti dans ma conscience, il est temps pour moi de la retrouver. Alors je meurs d'envie, même si. À 100 ans, j'ai la vie qui respire, ça s'entend dans ma voix. À 100 ans, j'ai le cœur qui s'enivre, ça s'entend sous mes doigts. À 100 ans, j'ai la vie qui respire, ça s'entend dans ma voix. À 100 ans, j'ai le cœur qui s'enivre, ça s'entend mes doigts.